Chapitre 9e. Il était 11h05, juste avant le couvre-feu. Marcel ferma le premier ventail du porche et se baissa pour verrouiller l'arrêtoir au sol. Une main s'abattit sur son bras et un soldat allemand lui dit « Wenn du den Mund hältst, wird dir nichts. » « Si tu te tais, il ne t'arrivera rien. » Marcel aperçut alors, garé le long du trottoir, une Opel de laquelle sortirent un Obersturmführer et un Oberscharführer, en tenue noire de SS, flanqué d'un policier français en civil. Derrière, de deux Kübelwagen, descendirent 10 soldats en uniforme armés de mitraillettes. Une fois la troupe dans la cour, le lieutenant intima à Marcel l'ordre de fermer les vantaux et un soldat armé resta en faction devant. Puis les hommes gagnèrent l'escalier sans bruit. Sur chaque palier, deux hommes se postèrent en sentinelle pour empêcher toute sortie. L'adjudant gagna le dernier étage, accompagné d'un soldat, et le lieutenant resta au premier, l'un attaquant la perquisition par le bas, l'autre par le haut. Le jeune officier d'une vingtaine d'années tout au plus avait un physique androgyne, avec des cheveux coupés ras, presque blancs à force d'être blonds, des yeux d'un bleu d'acier, avec un visage totalement glabre. Il était indéniablement beau, mais d'une beauté dérangeante, qui sentait le soufre et la perversité. Le soldat l'accompagnant frappa brutalement à la porte de Léopold. Personne ne répondant, il réitéra ses coups encore plus fort. Finalement, Hans, en pyjama, entrebâilla la porte que poussa violemment le soldat. À la vue des uniformes, Hans cria dans le couloir « Herr Major, das ist die Gestapo, kommen Sie schnell !»« Commandant, c'est la Gestapo, venez vite !» Léopold apparut torse nu dans le couloir, sa casquette sur la tête pour qu'on reconnaisse son grade. Dès qu'il comprit la situation, il fulmina et invectiva le jeune lieutenant en allemand. « Qu'est-ce qui vous prend de venir me réveiller en pleine nuit ? On se renseigne avant d'enfoncer les portes, jeune coq. Vous vous croyez tout permis, vous, les SS ? Donnez-moi votre nom, votre matricule. Je vous préviens que vous allez vous souvenir du major Müller. » Le lieutenant, d'une pâleur de mort, déclina son identité. « Obersturmführer Dieter Schüller, Herr Major, » dit-il à voix forte en claquant les talons. Il s'excusa ensuite le plus platement qu'il put, mais Hans lui claqua la porte au nez avec grand plaisir. Les officiers de la Wehrmacht n'aimaient guère ceux de la Schutzstaffel, les SS, qu'ils ne considéraient pas comme de vrais officiers, mais plutôt comme de vagues mercenaires. Le soldat la frappait à la porte des Vogel, cette fois plus modérément. Il venait de se réveiller en entendant la harangue de Léopold, bien faite pour donner l'alarme. Louis ouvrit l'entrée du cabinet. Le lieutenant remarqua la plaque professionnelle sur la porte et s'adressa à lui en français. « C'est chez vous que nous voulons entrer, Herr Docteur, pas dans votre cabinet. » Et s'adressant à voix basse au soldat qui l'accompagnait, il ajouta « Pas sur une Bloodman. » Quel abruti, celui-là. Du tac au tac, Louis lui répondit en allemand d'un ton fielleux. « En général, lorsque les gens frappent à ma porte à 7 heures, c'est parce qu'ils sont malades, Herr Obersturmführer. »« Oh, mais vous parlez l'allemand, » remarqua le lieutenant plein d'ironie. « Il n'y a que des Allemands dans cet immeuble, alors ?»« C'est ma langue maternelle, » répondit Louis. « Je suis né allemand. »« Ah, alsacien ? Allez savoir. »« Aujourd'hui, je ne sais plus trop ce que je suis. En tout cas, je parle les deux langues indifféremment. » Les deux militaires pénétrèrent dans l'appartement des Vogel. Le jeune officier fit signe aux soldats d'aller fouiller le logis et ordonna que tous les occupants se présentent devant lui. Odette, attirée par les voix, arriva en peignoir tenant David Denis par les épaules, en lui exerçant de temps à autre une petite pression pour l'encourager. « Ist das alles in einer so große Wohnung ?»« C'est tout, dans un si grand appartement ?» dit le lieutenant en regardant successivement les trois personnages. « Oui, » répondit Louis de la tête. « Papier !» Ayant prévu cette question, Louis revint avec leurs papiers d'identité. L'officier les saisit avec brusquerie et commença à les lire. Au fur et à mesure, il dévisagea Louis, Odette, puis l'enfant. « Ce n'est pas votre fils, » remarqua-t-il. « Vous n'avez aucun enfant ?»« Non, malheureusement, » répondit Odette. « Et celui-là, d'où sort-il ? C'est un juif, n'est-ce pas ?»« Pas du tout, » répondit Louis avec assurance. « C'est un orphelin de guerre, nous l'avons adopté. »« Vous l'avez adopté, mais il est juif !» s'entêta l'officier. Devant le mutisme du couple et de l'enfant, il s'adressa à lui en allemand. « Bist du in Polen oder in Deutschland geboren ? Antworte ! Tu es né en Pologne ou en Allemagne ? Réponds. » Le gamin prit un air niais et regarda Louis pour savoir ce qu'il devait faire ou dire. Il écarta les bras en signe d'incompréhension. « Il ne comprend pas l'allemand, monsieur l'officier. Il est né près de la frontière belge, comme il est écrit sur ses papiers. Les papiers, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Pris d'une impulsion soudaine, il s'agenouilla et baissa brusquement le pantalon de pyjama de David. Dépité, il repoussa le gamin en arrière et marmonna un « Scheiße, Miss Bengel !» Merde, fumier de gosse. Visiblement déçu qu'une proie potentielle lui eût échappé, ses maxillaires se gonflaient spasmodiquement. « Vous avez des méthodes expéditives, Herr Leutnant, » fit remarquer Louis. L'officier agrippa Fogel par le col de son pyjama. « Monsieur le docteur, » dit Schuller d'un ton sifflant, « vous... » Mais il ne termina pas sa phrase, certainement traversé par une autre idée. « Vous connaissez l'officier qui loge en face ?»« Oui, c'est un ami d'enfance, » répondit Louis en le regardant droit dans les yeux. « Ah !» conclut l'officier. Le soldat revenait de sa visite et informa son supérieur. « J'habe nichts gefunden. Je n'ai rien trouvé. » Le jeune Effeb s'inclina légèrement pour saluer et claqua les talons. « Je vous souhaite la bonne nuit, madame et monsieur. » Dès que les deux Allemands furent sortis, David se rua au WC et vomit tout ce qui lui restait encore dans l'estomac. Odette lui baigna le visage et le dorlota. L'astuce du gamin avait été de faire semblant de ne pas comprendre l'allemand, car le contraire eût gravement compromis le subterfuge de l'adoption. « Tu t'es conduit comme un vrai homme, mon David, je suis fier de toi. »« J'ai eu peur, tati Odette, tu as vu les yeux de vipère qu'il a ?» Intérieurement, Odette regretta de ne pas pouvoir raconter cet épisode à Olga, en lui donnant une preuve de l'intelligence de son fils et l'heureuse idée qu'elle avait eue de ne pas le faire circoncire. Louis fut tenté de rejoindre l'officier pour lui proposer de lui servir d'interprète, ce qui lui aurait permis de connaître la suite de la perquisition et de pouvoir attraper le coup le cas échéant. La présence des sentinelles sur le palier le refroidit, et il se dit que sa démarche pourrait paraître suspecte aux yeux de l'officier SS, un homme qui était certainement capable de soupçonner père et mère. Il retourna donc près d'Odette. « Mon Dieu, qu'il est beau, ce garçon !» lui dit-elle. « Comme quoi le mal peut se cacher sous la beauté la plus parfaite ?»« C'est vrai. Ça ferait aussi un beau cadavre. Allez vous recoucher tous les deux. Je vais veiller jusqu'à ce qu'il parte. David, mon chéri, je crois que tu es plus courageux que moi. Je te jure que tu m'as impressionné. Je ferai tout pour que tes parents connaissent ta conduite héroïque. » Dans les étages supérieurs, on entendait par moments les éclats de voix de l'adjudant qui devait assouvir ses pulsions sur les locataires du haut. Le lieutenant attaqua l'inspection du deuxième par les Beauchamp. À la vue des papiers d'identité qu'on lui présenta, il parut intrigué. « C'est votre fils ? » demanda-t-il à Meyer en désignant René. « Il ne vous ressemble pas. Vous l'avez eu avec le facteur, Madame Beauchamp ? » dit-il en s'adressant à Rachel. Là-dessus, il partit d'un grand rire sardonique auquel s'associa l'homme de troupe. Rachel haussa les épaules en signe de mépris. Puis il continua ses insinuations perfides. « Vous n'avez pas d'argent, hein ? C'est pour ça que vous vivez ensemble. Vous n'avez pas de travail non plus ? » dit-il à René. « Ah, ces Français, tous des fainéants. Répondez !»« Si, j'ai un emploi, » dit René. « Je suis courtier en assurance. »« Pah, c'est un métier de voleur, ça !» Beauchamp ne releva pas l'insulte. L'officier s'adressa ensuite à Rachel. « Votre fils ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il a ?»« J'ai... » commença René. « Halt !» le coupa l'officier. « Je demande à elle. Elle répond, pas vous. » Il y eut un léger flottement pendant lequel les rythmes cardiaques s'accélérèrent. Il fallait que Rachel répondît. L'officier allait l'exiger, c'était certain. Elle prit finalement la parole et tout s'était suspendu à ses lèvres. « Mon fils s'est accroché en vélo, après une voiture en stationnement qui devait avoir quelque chose qui dépassait. Ça lui entaillait la cuisse. Arzo !» Ce fut un ouf de soulagement pour les Beauchamp. Mathilde avait inventé avec le docteur une cause qui n'était pas si éloignée de cette version. Le tout était que l'officier ne demande pas à Louis de confirmer. Aidé du soldat, l'officier fit le tour de l'appartement, soulevant les matelas, ouvrant les placards, bousculant les objets. Dans l'entrée, il se planta devant le portrait du maréchal et se mit à ricaner en chantonnant. « Maréchal, nous voilà, les vaincus, les cocus. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire, votre maréchal ? Qu'il va vous sauver ? Ce vieillard tremble devant nous. Vous devez tous trembler devant nous !» finit-il par hurler. Puis il sortit, le soldat sur ses talons comme un chien fidèle. Il continua sa quête par le logement de Jeanne de la Barre. Celle-ci leur ouvrit la porte comme un mort ressuscité. Dans sa précipitation, elle n'avait pas fermé son peignoir sous lequel elle était totalement nue. On découvrait son corps blanchâtre veiné de bleu, sa poitrine absente et son pubis aux poils rares. Devant le tableau, les deux militaires se retinrent, les épaules secouées d'un rire intérieur difficilement répressible. Mademoiselle Delabarre les regardait d'un air ahuri. Finalement, le lieutenant, d'un mouvement descendant de l'index, lui montra l'ouverture de son peignoir. Elle était physiquement incapable de rougir, et trop pâle déjà, pour qu'on puisse déceler un changement de teinte. Elle baissa les yeux et sangla son peignoir. Si les locataires avaient appris que la brave demoiselle dormait nue, peut-être par volupté de sentir l'étoffe sur sa peau nue ou par économie de lingerie, ils en auraient fait des gorges chaudes. Dans le salon, le lieutenant se mit au piano et entama les premières mesures de la valse de l'adieu, puis referma bruyamment le couvercle du clavier. « Ah, Chopin, petite nature, il devait être juif. Je préfère Wagner, » affirma-t-il. Ils laissèrent la vieille fille toute désorientée comme une chatte qui a perdu ses petits. Les cassins écoutaient en sourdine de la musique classique sur la radio allemande. Les autres stations comme Radio Paris, la radiodiffusion nationale ou Paris Mondial cessant leurs émissions avant 22 heures. Attiré par la musique, Schuller se dirigea vers leur porte. Ils lui ouvrirent avec un sourire engageant. D'emblée, ils déplurent infiniment à Schuller qui désirait inspirer chez les gens non pas la sympathie mais la crainte. Tout sourire constituait pour lui une atteinte à son autorité et à sa fonction. Vis-à-vis de sa personne, la seule expression tolérable était le regard admiratif d'un homme sur son corps. Là, il devenait souple et docile comme un chat sous la caresse. « Arrêtez la radio » ordonna-t-il. Il dévisagea froidement le couple. Des gens gras et souriants, ça cachait forcément quelque chose. Chargé de la fouille, le soldat eut au fait de découvrir dans un placard, au milieu des boîtes à chaussures, des cartons remplis de barres de chocolat et de paquets de café, une véritable mine d'or. « Ah ! C'est pour ça que vous souriez. La radio allemande, les sourires. Vous vous foutez de moi, hein ?»« Geh, nimm ihn mit !»« Vas-y, emmène-le » dit-il à l'adresse des soldats. La mère Cassin, voyant son mari bousculé, commença à geindre et à appeler à l'aide. Elle sortit sur le palier et se mit à appeler « Docteur, docteur !»« Ah !» fit l'officier. « Vous appelez votre meilleur client à l'aide, c'est ça ?»« Non, non !» gémit la femme. « Mais lui pourra vous le dire. Mon mari n'est pas un malfaiteur. »« C'est moi qui juge !» rétorqua l'officier d'un ton glacial. Là-dessus, il repoussa la femme à l'intérieur et referma la porte. Le pauvre Cassin avait inondé son pantalon et demanda timidement à pouvoir se changer. « Nein !» rugit le SS. « Tu restes dans ta pisse !» L'adjudant redescendait des étages supérieurs avec lui aussi une prise, un homme d'une trentaine d'années, menotté et tout habillé. Le sous-officier expliqua que l'homme n'avait pas de papier. Il prétendait les avoir perdus. Le groupe s'arrêta devant la porte de Louis qu'il leur ouvrit à nouveau. « Vous connaissez celui-là ? » demanda l'officier. Tout homme, à un moment donné, commet une erreur. « Il dit s'appeler Kernen, » ajouta l'officier. Louis profita de la brèche ouverte par l'inexpérience du jeune SS. « Oui, c'est le frère de M. Kernen, actuellement en déplacement en Bretagne. » Mais le SS Schuller était décidément plus fin qu'on ne le pensait. « Arzo !»« Alors vous pouvez m'expliquer pourquoi il est tout habillé à plus de minuit ? Peut-être qu'il allait sortir, ou s'enfuir, hein ?»« Monsieur Kernen, » dit-il en lui tirant l'oreille. « Nimm ihn mit, sofort ! Emmène-le, immédiatement » ordonna-t-il à l'adjudant. Puis il revint sur ses pas et ajouta pour Louis « Peut-être qu'on vous prend aussi pour un imbécile, Herr Docteur, je m'en souviendrai. » Son ton signifia assez qu'il avait subodoré le mensonge du docteur. Il allait falloir redoubler de vigilance dans les jours à venir. Louis pensa qu'il ne sentirait pas trop mal, à part Cassin, mais il eut un frisson en imaginant ce qui se serait passé s'il n'avait pas été prévenu. En partant, dans la dernière partie de l'escalier, Schuller raconta à l'adjudant la mésaventure de Mademoiselle Delabarre. Tous les deux s'esclaffèrent pendant que les soldats poussaient les deux prisonniers à coups de bottes. Pour eux, la nuit se terminait joyeusement. Louis, qui avait entendu et compris l'histoire de la vieille fille, se dit que vraiment, ce type ne méritait qu'une balle dans la tête. Pour le soi-disant frère de Kernen, il ne pouvait pas faire grand-chose. D'où sortait-il, celui-là ? S'était-il introduit chez Kernen à son insu, en profitant de son absence, ou est-ce Kernen lui-même qui le cachait ? Depuis quand était-il dans l'immeuble ? Quoi qu'il en soit, dès demain, il fallait que la porte du porche soit fermée en permanence, et que tous les visiteurs passent obligatoirement par la loge de Marcel. En revanche, son devoir était au moins d'aller réconforter Madame Cassin, même si leur magouille devait un jour finir de cette façon. « Ne vous inquiétez pas trop, Madame Cassin. On ne risque pas la déportation ou la peine de mort pour quelques tablettes de chocolat. Ce jeune SS est un fou dangereux, mais tous ne sont pas comme lui. Votre mari va écoper d'une amende, ou tout au plus d'une peine de prison. C'est la première fois qu'on l'attrape. Dieu vous entende, docteur. Nous essaierons d'obtenir des informations. Tâchez de dormir maintenant. »